Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sur Radioactive. C'est un nouveau mag qui démarre et on est ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous où se succèdent des sujets qui font l'actualité de notre territoire. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Pascaud. Alors, pour les Amboisiens qui nous écoutent, oui, il s'agit bien de l'ancien proviseur du lycée professionnel Chaptal. Et si Frédéric est toujours proviseur aujourd'hui, il a en revanche quitté Amboise pour occuper ses mêmes fonctions au lycée Jean Monnet à Joué-les-Tours. Ah. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour, merci. Alors, si vous êtes venu nous rejoindre dans cette émission aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un ouvrage intitulé « Tu ne seras jamais un homme, mon fils » aux éditions La Cimar. Ce livre, votre premier livre, il parle d'un sujet profond et douloureux, à savoir la perte de votre fils Elvin en 2003, alors qu'il avait 6 mois. Je dois vous avouer, Frédéric, qu'en tant que maman, je n'imagine pas pire épreuve dans une vie, et je pense que tous les parents qui nous écoutent me rejoindront sur cette idée. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur un sujet aussi personnel et douloureux ? J'ai gardé des lettres que m'avaient écrites des personnes, des amis, des collègues, que je les avais gardées parce que je m'étais dit que c'était... D'abord, ça racontait l'histoire vue d'autres personnes, donc j'étais attaché parce que ça maintenait quelque part... l'existence d'Elvin présente, même si c'est un artefact, j'ai plein d'autres moyens de le garder à l'esprit. Mmh. Et puis j'ai été en arrêt maladie pour des raisons un peu compliquées, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas je me suis retrouvé en arrêt maladie à une période à laquelle j'avais enfin commencé ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire de m'occuper de moi. J'ai commencé une thérapie, je suis allé voir une psychologue. Là, on est en quelle année ? Alors là, quand je m'arrête, on est en 2019. J'ai commencé la thérapie depuis un peu plus d'un an. D'accord. J'ai traité beaucoup d'autres sujets parce que même si on sait pourquoi on y vient, en général, il y a quelques voies détournées nécessaires pour se familiariser avec la démarche. Et puis, pendant cet arrêt maladie, j'ai repris ces lettres. Ben, voilà, j'avais besoin d'une occupation et puis de me recentrer sur moi-même. Et puis... j'ai eu d'un seul coup ces lettres, enfin certaines ont provoqué quelque chose, une envie de parler. Il s'avère que ma psy aussi a eu un arrêt maladie en même temps, donc j'ai pas pu aller la voir et donc j'ai transféré ce travail dans les lettres qui ont fait remonter brutalement énormément de choses en moi. Mmh. Et puis là, j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Donc ce qui explique que ça a pris tout ce temps, c'est que vous vous êtes pas assez écouté au départ, vous avez plutôt pris soin de la maman à ce moment-là. Voilà, plus que vous. Quand Elvin est mort, évidemment, c'est un choc pour tout le monde, hein, mais de par sûrement des compétences à la fois personnelles et professionnelles, j'ai un rapport à la vie assez cartésien, et donc je me suis rapidement demandé comment... Moi, j'ai pris les choses en main, par exemple, la cérémonie funéraire, l'enterrement, enfin, toutes ces choses-là, c'est dans l'action que j'ai pu pu rester debout, disons. Et après, j'ai prolongé cette action en accompagnant la maman d'Edwin. Et puis, on avait aussi une fille qui avait 3 ans, et donc il fallait aussi l'accompagner, elle. Et puis, de fil en aiguille, on s'inscrit dans ce rôle d'accompagnant et on se fait croire qu'on n'a pas besoin d'aide puisqu'on est soi-même accompagnant. Donc, on pense qu'on est fort et qu'on aide les autres et que pour nous, l'affaire est réglée. Et puis après, on a eu notre fille. Et puis après, mon ex-femme a commencé à aller mieux, etc. Et là, petit à petit, il y a des choses qui sont... voilà, quand on est moins dans cette... On se réfugie dans le travail aussi, parce que ça permet de... Évidemment. Voilà. Mm. Et puis, au bout d'un moment, on rencontre d'autres personnes, hein, ma nouvelle femme en particulier, qui me dit plusieurs fois, pour que j'arrive à me faire aider, qui me fait comprendre à plusieurs reprises que ce serait peut-être bien que je m'occupe de moi, quoi. Quand on parle de chasser ses démons, quelque part, on est là-dedans. C'est-à-dire que c'est en soi, mais il faut que ça sorte. Oui, il faut que ça sorte et il faut que ça soit accompagné, évidemment. Hein. De toute façon, faire grossir la protection, ça crée d'autres problèmes. Le refuge dans l'action, ça a ses limites. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, on sent que il y a certains... Le rapport aux gens aussi peut être à certains moments compliqué. Le rapport à mes enfants aussi, puisque malgré tout, je me suis remarié. ma femme a 3 enfants, moi j'en ai 2. Voilà, je me suis occupé de garçons en particulier. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la réalité finit par nous revenir dans la figure et on sent qu'il faut de l'aide. Et puis au bout d'un moment, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre, ça fait mal, quoi. Donc il faut sortir les choses, quoi. Et puis c'est chacun son rythme, puisque comme vous le disiez, ça a mis du temps. Mmh. Ça a mis peut-être beaucoup de temps. Mais maintenant, vous ressentez un apaisement d'avoir fait cette démarche ? J'ai commencé à comprendre. Déjà, j'ai commencé par comprendre ce que j'étais en train de vivre grâce à la psychothérapie, dans le deuil. Parce que même si j'avais essayé de réfléchir à beaucoup de choses tout seul, mais qu'il faut un regard extérieur aussi pour mieux comprendre. Et puis après, quand on rentre dans l'écriture, là oui, il y a eu plusieurs phases d'apaisement. Moi, ça a été une sorte d'expulsion, l'écriture. Mm-hmm. J'ai eu ces lettres et puis... alors, le livre n'est pas sorti en 3 semaines. Hein. J'avais 3 semaines d'arrêt, il n'est pas sorti. Voilà, quand même. Mm-hmm. Mais voilà, j'ai expulsé tout ça. Et puis après, je l'ai repris avec ma psy, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avancer. Et du coup, effectivement, ça a été un déclencheur parce que ça a duré longtemps. Donc, j'avais beaucoup accumulé. Donc, j'avais beaucoup à faire ressortir, en fait. Mm-hmm. D'où le fait que ça ait pris beaucoup de temps aussi. Donc, l'accumulation, elle a été d'autant plus longue. Mm-hmm. En prenant sur soi, en s'occupant de ceux qui vous entouraient, ceux qui restaient. Et en vous oubliant un petit peu, donc oui, forcément, on a cette image de la cocotte minute qui, à un moment donné, déborde. Et puis des élèves aussi, et des... Voilà, et puis, mine de rien, quand on s'occupe des autres, on est éponge, quand on n'est pas insensible. Hein. Quand on s'occupe des autres, on ramasse une partie de leur mal-être aussi, et au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Son mal-être à soi plus celui des autres, si on n'a pas réglé son mal-être à soi, enfin, si on n'a pas avancé dessus, en tout cas, au bout d'un moment, on n'est plus apte à accompagner les gens. Or, c'est le cœur de mon métier, hein, accompagner des élèves et des personnels. Oui, puis dans un cadre professionnel qui est l'éducation, et on sait que ce n'est pas un des milieux les plus faciles à gérer au quotidien non plus. Donc, ça faisait peut-être aussi partie un petit peu du poids que vous aviez sur les épaules. Mais oui, parce qu'en plus, on est avec des enfants. Moi, j'étais principal de collège longtemps. Maintenant, je suis proviseur de lycée. Mais, et puis, on voit passer des années, mine de rien, on compte. Hein. Moi, je compte les anniversaires à la fois de la naissance et du décès de mon fils. Donc, je sais quel âge il a. Je me projette dans les élèves que j'ai en face de moi qui ont le même âge que celui qu'il aurait s'il avait survécu. Donc évidemment, ça interroge et puis les élèves et puis les jeunes gens sont de plus en plus, alors c'est une autre problématique qui va à côté, hein, mais les jeunes sont de plus en plus en souffrance globalement. Hein, le monde est inquiétant, le changement climatique, les guerres, etc. Enfin bon, et puis les problèmes qu'ils ont maintenant, dans une époque où les problèmes sortent un peu plus facilement, heureusement, mais du coup il faut s'en occuper. Évidemment. On parlait de l'entourage tout à l'heure. Est-ce que vous avez ressenti du changement dans le regard des autres ? Est-ce que soudain, on devient quelqu'un d'autre dans le regard des gens qui nous entourent parce qu'on a justement traversé une terrible épreuve comme celle que vous avez eu à affronter ? Oui, eh ben, évidemment, après la mort d'Edwin, pendant toute la période suivant sa mort, on devient quelqu'un de singulier. Parce que, fort heureusement... Il va y avoir environ une mort par jour en moyenne en France d'enfants de moins de 6 mois, même si là, il y a des chiffres, un rapport parlementaire qui vient de sortir, enfin sénatorial, qui dit que c'est plutôt en train de se dégrader en France. Mais pour autant, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, ce que vous disiez en introduction, c'est que quand même pour la majorité des gens, et des femmes en particulier, dans l'imaginaire, c'est l'horreur absolue. Cet événement. Donc, pas que dans l'imaginaire, je pense que ça l'est. Oui, enfin, je veux dire, quand je dis dans l'imaginaire, c'est parce que les gens ne le vivent pas, heureusement pour eux. Mais... Non, mais évidemment, on se projette, il y a de la compassion dans le regard des gens. Après, il faut apprendre à vivre avec ce regard qui s'étiole, hein, parce que les gens reprennent leur vie normale, et puis et surtout dans le milieu professionnel. Alors, dans le milieu familial, c'est un peu différent, hein, mais dans le milieu professionnel, on a des obligations. Bon, moi, je suis cadre, hein, donc je fais fonctionner des établissements scolaires, donc on m'attend quand même là-dessus, malgré tout. Mais oui, il y a un regard singulier. Et moi, une des choses que j'ai apprises à travers ça, par exemple, c'est que c'est un regard singulier duquel il ne faut pas profiter. C'est dur à dire, hein, ça. je ne sais pas comment exprimer clairement cette idée. Parce que, en fait, ce que j'explique aussi et qui est fondamental, chacun vit son deuil comme il peut. D'accord ? Et moi, j'ai vécu mon deuil comme j'ai pu. C'est lié à mes compétences, mes capacités, mes qualités, mes défauts, mais qui sont propres. Je veux dire, qui ne valent pas mieux que celles des uns et des autres. Pas moi non plus. Mais, et moi, ma manière de réfléchir est beaucoup fondée sur l'analyse parce que c'est mon quotidien professionnel. Et du coup. au malheur de certains membres de ma famille, quelquefois, je le mets trop en application dans ma vie quotidienne, l'analyse. Et du coup, j'ai réfléchi à ça. Et effectivement, c'est une force, et en même temps, ça rassure aussi les gens qu'on vive cette étape. Normalement, c'est évidemment pas le bon terme, hein, mais qu'on vive cette étape et qu'elle avance naturellement au milieu de gens qui continuent leur vie, qui tiennent compte de ça. Et puis, les choses avancent. Et tu vois, Elphine, en 2024, donc il aurait 21 ans, ça fait. Voilà, je peux pas. Évidemment, les gens ne se comportent pas avec moi, d'autant plus que ceux qui ont vécu cette époque-là en même temps que moi, les aléas de la vie font qu'on voit moins. Mais le monde entier est passé à autre chose. Voilà. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les lettres, elles avaient autant d'importance pour vous, parce que finalement, est-ce que c'est plus facile d'être face à une lettre qu'on a reçue et qu'on va lire tranquillement au moment où on l'a décidé, s'isoler pour lire cette lettre, que d'avoir des personnes de visu qui vont venir vous exprimer leurs sincères condoléances et tous les messages de soutien qu'on imagine, bien sûr. Bah, les deux sont importants. Mais c'est vrai que la lettre, ça permet d'y revenir. Moi, j'avoue que j'attendais les lettres, donc je les recevais, je les lisais. Mais c'est vrai que certaines lettres qui m'ont touché, plus particulièrement, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bien, hein, attention, c'est pas ça que je veux dire, mais certaines lettres qui m'ont touché, je les ai relues, elles m'ont aidé dans mon parcours, il y avait des mots forts. Bon, il y a des personnes qui ont connu le même genre de choses dans leur vie et qui ne font pas part de leur expérience, mais trouvent peut-être plus facilement des mots pour accompagner. Et ce qui m'a touché aussi, c'est qu'il y a des gens qui m'ont écrit des lettres, qui m'ont surprise de la manière dont ils me voyaient, en fait. C'est-à-dire qu'à travers des lettres aussi, des gens avec qui je pensais que les relations n'étaient peut-être pas forcément simples, ils m'ont dit des choses d'une telle sincérité et d'une telle gentillesse. Et du coup, moi-même, je les ai vus différemment aussi. Enfin, les gens prennent le temps d'écrire. Donc, oui. Ils posent leurs mots. Oui. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Finalement, votre livre, à qui il s'adresse aujourd'hui ? Alors, pour être tout à fait honnête, tout au début, le livre, il s'est adressé à moi-même. Puisque c'est une démarche... Mais c'est une réponse. Hein. C'était un besoin. Mais comme il y a une partie qui raconte et une partie qui dit des choses... Alors, qui ne sont pas des vérités. Hein. Je ne prétends pas avoir écrit quelque chose qui est une vérité absolue sur comment on gère un deuil quand on est papa après le décès de son fils de 6 mois. Ça serait très présomptueux. Mais en tout cas, si ça peut permettre à des gens de se sentir moins seuls, si ça peut permettre à des gens de se dire un peu... voilà, quand ça arrive, comme d'autres situations, hein, on peut se dire « mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi ?» Et c'est vrai. Comme je dis quelquefois, moi, à l'époque, j'habitais au Roche-l'Évêque, à côté de Montoire, dans le nord du Loir-et-Cher, et je travaillais à Mondoubleau, ce qui est encore plus au nord, pour les gens qui connaissent le Loir-et-Cher. Et c'est des petites routes avec plein de virages, enfin des petites routes de campagne, quoi, et où il est assez facile de rouler à des vitesses pas raisonnables, voilà, quoi, et de bêtement tomber en face d'un singulier. Mais voilà, on se pose forcément ce genre de questions sur ce qu'on va devenir après ce genre d'événement. Et puis on se rappelle que bah, j'avais notre fille, que j'avais une femme, la maman d'Edwine, qui avait besoin de moi. Enfin, on trouve plein de raisons pour pas louper le virage ou pour pas prendre un platane, quoi. Et encore moins un camion qui arrive en face, parce que le pauvre chauffeur, il est pour rien, lui. Bref, il y a une vie après. La vie continue. Et si ça peut aider des gens à se dire que la vie continue, gagner du temps, parce qu'en fait, au fond, on sait tous que la vie continue. Voilà. Mais en tout cas, ça permet peut-être d'aborder les premiers temps un peu plus facilement. Et puis, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi peut-être que les gens qui sont au contact de personnes qui ont récemment perdu un enfant ou un proche, ça peut être un adolescent qui a perdu sa maman, etc., peut-être qu'on prenne un peu ce qui peut se passer et soient eux aussi rassurés dans la manière de les accompagner. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est que il n'y a pas de bonne et mauvaise manière d'accompagner les gens. Enfin, si, la bonne manière, c'est d'être sincère, et la mauvaise, c'est de faire les choses parce qu'on se sent obligé de les faire. Voilà. Autant, plutôt que de faire quelque chose dont on se sent obligé, autant pas le faire du tout, dans ces circonstances-là. Et Frédéric, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui souhaitent soutenir des parents endeuillés, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ? Je pense que là, vous l'évoquiez, des personnes qui ont vécu un deuil, on ne trouve pas les mots, on ne sait jamais si on va dire des futilités, si on va être maladroit, si immédiatement après... l'événement. On se dit des fois, on va les laisser tranquilles, on va pas se manifester tout de suite. Enfin, je veux dire, il peut y avoir plein de, on peut se dire plein de choses, mais vous, en tout cas, de votre point de vue, il faut être là tout de suite, il faut soutenir, s'exprimer. Oui, enfin, en tout cas, il faut. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer que les personnes sont soutenues. Moi, j'avoue que le fait que les lettres aient duré longtemps, ça m'a bien aidé aussi, parce que quand on se rend compte que la boîte aux lettres, le soir quand je rentre du boulot, il n'y a plus rien dedans, c'est une deuxième petite mort en fait. Hein. Mmh. Donc bon, si les gens sont très soutenus, autant prendre un peu de temps, et s'ils sont déjà en famille, etc. De toute façon, moi, de ce que je me rappelle des premiers jours derrière, c'est qu'on se rappelle de pas grand-chose en fait, hein, parce que c'est tellement... irréaliste, voilà. On se dit que c'est pas possible, oui. Puis, on parle souvent des gens, mais c'est vrai aussi quand on est parent d'enfants qui meurent, hein, on parle souvent, les gens vous racontent quand ils ont perdu un parent que toutes les démarches à faire, administratives, il faut s'occuper de l'autre parent, il faut gérer l'héritage, etc. Alors, il n'y a pas d'héritage quand on a un enfant, mais il n'empêche que je peux vous dire que la somme des démarches administratives derrière la mort d'un enfant, elle n'est pas non plus... anodine. Et donc, au début, on est confronté à ça. Moi, on était le 20 décembre et il y avait Noël 5 jours après. Et puis, ben, j'avais ma fille qui allait avoir 3 ans. Elle est née le 5 janvier. Donc, voilà, elle cumule l'anniversaire, enfin, Noël et anniversaire. Et puis, bon, il y a mes parents et mes beaux-parents qui sont venus. Et on a tous, pour Raphaël, donc le nom de ma fille, on a évidemment tous voulu qu'elle ait Noël parce qu'on n'allait pas en plus. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 3 ans, hein, mais faudrait l'inviter pour lui demander. Enfin, je ne sais pas si elle est prête à ça. Mais en tout cas... on imagine voilà. Qu'il faut tenir bon pour l'enfant qui est là aussi, bien sûr. Voilà, en plus là, il y avait Edwin est mort du septicémie, mais c'était compliqué. Enfin, voilà, le médecin a voulu à juste titre savoir de quoi il était mort exactement. Donc bon, enfin, il y a des démarches à l'hôpital, après il y a la crémation, et puis après il y a Noël. Ça fait en 5 jours. Donc, voilà. Un ascenseur émotionnel compliqué à gérer, oui. Voilà, et c'est vrai qu'une fois qu'on a eu passé Noël, le premier an, etc., quand j'ai recommencé à travailler, ce délai a fait que là, les gens sont venus et c'était le bon moment. Parce que quelque chose qu'il faut mesurer aussi, c'est que quand mes parents et mes beaux-parents s'en vont, chacun à leur tour, mes beaux-parents d'abord et puis le lendemain, mes parents, ben, vous passez à plein de monde, puis d'un coup, il n'y a plus personne. Il n'y a pas non plus votre fils. C'est ça, vous vous retrouvez. Alors là, dans je peux vous dire quotidien. Que ce jour-là, quand ils sont partis, ça a dû être la pire crise d'angoisse de toute ma vie. C'est-à-dire que je suis. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on parte de la maison tout de suite. Moi, je ne peux pas. Sinon, je ne sais pas ce que je fais. J'étais dans un état de stress post-traumatique, en fait. Hein. Alors, on est allé c'était un dimanche, donc on est allé dans une animalerie quelconque, dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'il ne faut pas faire de pub. Mais. Voilà, il fallait sortir, revoir des gens tout de suite, etc. C'est pour ça qu'il faut être là pour revenir à la question de départ. C'est long, hein, mais oui, je ne l'oublie mais pas. il faut. Ce qui est bien, c'est d'être là quand les gens vont se retrouver seuls. Ça, c'est bien. Mmh. Parce que il faut les aider. Moi, je peux vous dire que là, l'ascenseur de plein de monde à personne, c'est d'une violence incroyable. Et s'il y a des gens qui sont là à ce moment-là pour dire « Bon, on va vous faire un petit... » atterrissage un peu moins violent en venant vous voir, ça peut être pas mal. Voilà, si je peux donner ce conseil-là, et puis n'hésitez pas à écrire, oui. Même si vous... Ben, on mesure l'importance que ça prend, effectivement, et puis comme vous le disiez à juste titre, les mots, on les choisit, on prend le temps, ça traduit vraiment ce qu'on ressent, c'est important. Vous avez fait le choix d'en parler, Frédéric, et c'est un choix que, pour ma part, je trouve très courageux. Dans votre livre et actuellement, vous communiquez sur la parution de ce livre, donc vous êtes d'autant plus amené à réévoquer votre histoire dans différents médias. Est-ce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 2024, avec la sortie du livre, le fait de réévoquer encore votre histoire régulièrement, ça ravive des douleurs ou est-ce qu'au contraire, ça vous soulage un petit peu ? Non, ça ravive toujours des douleurs, en fait. C'est un sentiment assez... Ambivalent, parce que en fait, c'est compliqué de parler de ça, je trouve. Parce que le problème, c'est le jugement des autres, hein, toujours. Hein. J'ai écrit un livre avec peut-être la prétention de dire qu'il pourrait servir à d'autres. Donc, au moins pour ça, il faut qu'il se vende. Et puis, il faut que des gens le lisent, qu'ils se vendent. Moi, c'est ce que j'avais dit à mon éditrice. C'est pas la priorité. Je fais pas ça pour l'argent, mais il n'empêche que sans doute. Bon, voilà. Mais il n'empêche que il faut qu'il se distribue. Bon, faut en parler. Voilà. Donc c'est vrai que dans des moments comme ça, j'essaie. On a parlé tout à l'heure. Hein, je suis dans le côté rationnel. Voilà. Il faut que je regarde combien j'ai de livres. Est-ce que j'en ai assez pour aller en apporter à la librairie suivante? Enfin, qui est-ce qu'il faut que j'aille voir? Bon, ça c'est très. C'est très ce que je sais faire. Oui. Donc là, je suis dans la réassurance. Hein, et puis, d'un seul coup, au milieu d'une interview, on me pose une question qui va me renvoyer à un truc. Mais c'est la faute de personne. Hein, c'est comme ça. Il y a des questions. Vous me posez une question un jour, je peux en parler facilement. Et puis, vous me la posez trois jours après pour différentes raisons. Ça va là, c'est un coup de poing dans le ventre, quoi. Mais ce que j'ai peut-être appris à gérer grâce à la psychothérapie, c'est... encaisser des coups de poing dans le ventre. Parce que c'est ça, hein, veut dire que on n'oublie jamais, quoi. Et Ah non, ça c'est voilà. Certain. Et il faut vivre avec. Après, c'est, tout événement de la vie est constructif. Moi, je prétends ça. Y compris le décès de son enfant. Là aussi, hein, c'est pas facile à dire et peut-être à entendre. Mais toute expérience de la vie est constructive à partir du moment où on réfléchit sur ce qui vient de nous arriver et on essaie de faire la part des choses. Moi, j'ai appris à prendre des coups de poing dans le ventre. Alors, ça ne veut pas dire que je suis trop sympa quand je réagis à chaque fois, mais en tout cas, j'ai appris à ne pas pleurer quand je prends un coup de poing dans le ventre, mais à pleurer à d'autres moments, plus tard. Est-ce que vous avez des projets futurs autour de ce livre, comme des conférences, des rencontres avec des lecteurs ou d'autres initiatives? Là, je vais faire des dédicaces à la librairie Lue et Approuvée d'Amboise. Donc, c'est samedi prochain. Enfin l'après-midi, de 15h à 18h. Donc nous serons le 21 septembre. Le 21 septembre, oui. Je suis à la fois... j'attends ça avec une certaine impatience et en même temps... Une certaine appréhension. Certaine appréhension, parce que je ne sais pas ce que les gens attendent de moi ce jour-là. Et puis je ne sais pas comment... On passe trop de temps à se demander comment les gens vont réagir à ce qu'on va faire. C'est fou, ça. Ah, c'est pas n'importe quel sujet. Voilà. En même temps, j'imagine que quelqu'un qui va être intéressé par votre ouvrage va avoir sans doute autant de difficultés que j'ai pu en avoir à préparer mes questions aujourd'hui. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, très douloureux, très particulier. En tous les cas, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui viendront samedi 21 à la librairie Lue et Approuvée à Amboise, vous les encouragez à venir dialoguer avec vous. Oui, l'idée, c'est que les gens soient eux-mêmes, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. On parle d'un problème compliqué, donc autant pas rajouter de la complication. Donc les gens, enfin, qu'ils aient peur non plus. Je ne suis pas psychologue, mais pour autant, si je viens faire une dédicace, je sais qu'il y aura peut-être des gens qui vont parler de leur situation. Et ça tombe bien, je suis proviseur, donc écouter des gens parler de leurs difficultés, je sais faire. Et je les accueillerai avec bienveillance, évidemment. Voilà, si je peux rendre service. Eh bien, on n'en doute pas, Frédéric Pascaud. Donc cet ouvrage, il s'appelle « Tu ne seras jamais un homme, mon fils ». Il est aux éditions La Cimar, un éditeur local. Jouer les tours. Jouer les tours. Où est-ce qu'on peut se le procurer, en dehors de la librairie Lue et Approuvée, où évidemment vous aurez quelques exemplaires sous le coude? Bien sûr, oui. Alors, il est dans des librairies à Jouy-les-Tours, Tours, Vendôme et Blois. Alors, si on passe par ma page Facebook ou ma page Instagram, il y a un lien vers mon site internet sur lequel il y a toutes les informations. Voilà, Pascaud puis... avec un O, je précise. Oui, oui. Et puis, on peut le commander en ligne, soit auprès de La Cimar. On tape éditeur La Cimar, Jouy-les-Tours, et puis on tombe sur leur page. Ou même sur Amazon. Je suis référencé sur Amazon, oui. C'est un truc incroyable. Donc, on a le moteur de recherche d'Amazon. On tape « Tu ne seras jamais un homme, mon fils », et on tombe dessus. Voilà. On imagine qu'il y a une petite référence forcément au poème écrit en 1910 par, oui, de Kipling, ouais. Kipling. C'est le dernier vers, ouais. C'était c'est un cadeau de mes parents pour mes 18 ans, un petit ouvrage vertical avec quelques strophes à chaque page, et j'avais gardé cet ouvrage parce qu'il est, c'est un poème incroyable, quoi, et j'ai toujours gardé dans ma bibliothèque depuis, il a traversé mes différents lieux d'habitation et bibliothèque, et puis... voilà, je lui ai dédié le jour de la cérémonie. Et voilà, il ne sera jamais un homme, mon fils, mais il est là quand même. On n'en a évidemment aucun doute. Ben, merci Frédéric, parce que voilà, on a passé une belle émission. Encore une fois, bravo pour votre démarche courageuse. Merci. Je pense qu'on est tous forcément à la fois bouleversés et puis plein d'espoir, puisque le message que vous aviez envie de donner, c'est que la vie continue après. Voilà. Voilà. Très bien, c'est la fin de ce mag. Merci d'être venu dans notre studio. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. On se retrouve donc samedi 21 septembre entre 15h et 18h à la librairie Lu et Approuvé. Et puis sinon, sur la page Facebook de Frédéric Pascot, où vous pourrez retrouver toutes les références. Voilà, un lien vers les références. Ouais. Voilà. Et bien, c'est la fin de ce mag. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.